slip dans mon lit. On m'entend? 1, 2, 3. Je m'entends respirer serré. Je l'avais dit. Même souffler, je sais pas comment muter mon micro. Un peu de VTT. Bon, je vais brancher mon pod. Je m'entends parler chant. Putain, mais il est où ce micro à la con? Dans report? Attendez, peut-être ici. Sur mon Dieu.